Kobanyanga. Erukwimana sur nous annonce de bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal édition de la mi-journée de ce dimanche 22 janvier 2023, dont voici d'abord le sommaire. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, appelle les dirigeants actuels à cesser le détournement des fonds publics. Appel qui coïncide avec la tenue du congrès ordinaire du CNDD-FDD qui se déroule à Gitega, la capitale politique. Le porte-parole de l'Association burundaise des consommateurs à Bouko déplore le fait que les contrats entre les demandeurs de crédit et les banques ou microfinances soient écrits en français et en langue étrangère. Et passer un long moment devant les guichets, ce sont des défis que rencontrent les clients des banques et des microfinances. La malnutrition se fait encore remarquer dans la province de Bubanza, surtout dans trois communes, à savoir Gianga, Bubanza et Manda. Et le bureau provincial de la santé à Bubanza compte apporter de l'assistance à chaque catégorie suivant le degré de la maladie. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les dirigeants d'aujourd'hui doivent se distinguer de ceux d'alors si ces derniers détournaient les fonds publics. Les actuels dirigeants doivent marquer leur différence au dos du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, lors du congrès ordinaire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD à Gitega. Ce dimanche, il a également souligner les défis qui handicapent le développement du pays, entre autres la surpopulation, l'oisiveté et la régression de la langue maternelle. Les contrats entre les demandeurs de crédit et les banques ou microfinances écrits en langue étrangère, passer un long moment devant les guichets sont des défis que rencontrent les clients des banques et des microfinances, déplore le porte-parole de l'Association burundaise des consommateurs à Bouko. Nkurunziza demande à ces institutions d'améliorer la qualité de leurs services. Pourtant, il reconnaît l'avancée y opérée du fait qu'il y a la mise en place des guichets automatiques. On l'écoute. L'Association burundaise des consommateurs Transparency International apprécie le pas franchi par les banques aujourd'hui dans la modernisation. C'est notamment la mise à disposition de la clientèle distributeur de monnaie, mais constate encore une fois qu'il y a encore d'autres pas à franchir. C'est notamment l'amélioration des conditions d'accueil des clients. Et notamment, nous constatons au niveau des banques qu'il y a vraiment des files d'attente, si bien que les banques devaient encore comprendre que le temps c'est de l'or. Le temps c'est de l'argent, parce que on constate que pour même retirer son salaire dans certaines banques, vous devez passer au moins une ou deux heures, et ce qui veut dire que finalement il y a encore une amélioration à faire. Il y a aussi autre chose, c'est au niveau de l'octroi des crédits. Et encore qu'il n'y a pas assez d'orientation pour que chaque client comprenne les démarches à faire, mais aussi au niveau des contrats à signer, le client est obligé d'adhérer à ce qui est préparé sans rien dire. À un certain moment même, c'est fait en français, alors que c'est pas toute la clientèle qui comprend le français. Et je pense qu'ils doivent aussi améliorer au niveau de la communication. Je pense que au niveau de notre organisation, nous avons eu à un certain moment à parler du thème de la malhonnêteté. Sur des conditions d'accueil aux consommateurs, des services bancaires. Nous pensons que les banques aujourd'hui doivent, cette fois-ci, penser à franchir un autre pas pour que les consommateurs, leurs clients, puissent finalement s'épanouir, pour qu'ils puissent finalement jouir des services qui leur sont rendus par les banques. C'était la Noël Nkurunziza, porte-parole de l'Association burundaise des consommateurs à Bouko en sigle. La dégradation des mœurs et le dérèglement social font partie des causes à la base de l'ampleur du phénomène de divorce au Burundi. C'est du moins le constat des médias donnés à Aïcha, qui est représentant légal de l'Alliance pour l'humanisation et l'action au développement intégré. Ce samedi, à l'issue d'une conférence débat sous le thème « Le divorce au Burundi », hier et aujourd'hui, une conférence organisée par le club de sociologie de l'Université du Burundi. L'une des voies de sortie serait que le système éducatif burundais introduise des matériels, de matières plutôt, sur la vie au couple et que le gouvernement initie des sensibilisations sur ce thème au milieu du travail, selon toujours mais Dieudonné Aïcha qui on l'écoute. Le fait d'avoir des parents ou même des mamans avec des principes, un homme de principes, une femme de caractère, ça doit commencer dès le bas âge. L'adage qui dit que igiti kigorogwa kikirigito. Vous êtes papa et maman, dialogue entre papa et maman, dialogue et entre les parents et les enfants. Là, vraiment, ça doit faire quelque chose pour diminuer ce taux de divorce. Et là, c'est l'éducation, la pauvreté aussi. Mais c'est pas un facteur à beaucoup souligner. Parce que la pauvreté, il faut que les mariés, il faut que le couple soit informé. Sache que le peu qu'ils ont, il faut gérer ça et ne pas chercher à vivre dans une aisance sans toutefois avoir la provision, avoir cet argent pour faire ça et ça. Un autre facteur, c'est l'immaturité. L'immaturité sociale, l'immaturité et le rôle dans la gestion du ménage, gestion d'un homme, gestion d'une femme. Ça aussi, il faut que les jeunes se préparent. L'État, le gouvernement, le pays, c'est l'ensemble de toutes ces familles, de tous les foyers. Et là, alors, l'État doit être responsable. Doit être responsable si, avec ces facteurs-là cités, l'ignorance, l'éducation, l'État doit organiser des séances de sensibilisation, mobilisation dans différentes écoles et même dans différentes universités, dans différentes institutions. Je cherche à sensibiliser les jeunes et les parents, les jeunes et les parents pour un bon avenir des foyers. Sur ce facteur-là de pauvreté, il faut créer l'emploi, création de l'emploi pour que les familles puissent trouver de quoi mettre sur le dos. Une autre intervention de l'État, c'est travailler avec les OS, les ONG de la société civile, les ONG internationales, et travailler avec eux, échanger des informations, des connaissances pour chercher le bien de tout à chacun. Isanganiro, la radio de l'avenir. Place à l'environnement, le relâchement de la population en province Kayanza dans des activités de la protection de l'environnement organisées le jeudi de chaque semaine. Propos de Abdel Niyonsaba, directeur du bureau provincial chargé de la protection de l'environnement, agriculture et élevage à Kayanza, qui fait savoir que le nombre de gens qui se présentent dans ces activités a sensiblement diminué. Il demande au chargé du secteur de l'agriculture et de la protection de l'environnement en cette province, conjointement avec l'administration, de conjuguer les efforts dans des sensibilisations auprès de la population sur l'importance des activités menées le jeudi dédiées à la protection de l'environnement quant à la protection de la terre culturelle et cultivable. Suivez le directeur du BPA Ekayant. L'homme signale de l'autre côté de la vitrine que l'élément n'est pas disponible. Cap sur Boubanza, où la malnutrition se fait encore remarquer dans cette province, surtout dans trois communes, à savoir Guihanga, Boubanza et Manda. Raison pour laquelle une campagne de dépistage a été organisée au cours de cette semaine, afin de connaître les enfants, les femmes enceintes et allaitantes qui en souffrent. Le médecin directeur de cette province précise que l'assistance sera apportée à chaque catégorie suivant le degré de la maladie. Les détails avec Space Caritas Cabanienne. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes de cette colline, identifiées dans les communes Guihanga, Panda et Boubanza, souffrent beaucoup plus que les autres de la malnutrition, selon les responsables sanitaires de la province de Boubanza, selon une enquête réalisée dernièrement, comme le précise le médecin directeur de la province sanitaire de Bubanza. Il y a une enquête qui vient d'être faite donc au niveau de notre province, et puis il a dégagé cette colline qui souffre plus que les autres donc et de la malnutrition, et ça va concerner les trois communes d'où viennent ces collines, et la commune de Bubanza et la commune de Gihanga et la commune de Mwanda. Docteur Joël Bikirimana explique comment se fera la prise en charge. Bon, les enfants malnutris, donc on disait que la prise en charge se fait donc de trois façons. Il y a donc les foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle qui se fait au niveau des collines avec les mamans mucho, où on montre donc les familles et les mamans comment préparer donc le repas. Et dans ces foyers d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle, et ce sont les enfants qui ont des signes qui montrent qu'ils vont tomber dans la malnutrition. Et puis ceux qui sont malades, donc qui sont dans la couleur jaune et rouge, et sont transférés au niveau des centres de santé. Et ceux qui souffrent beaucoup, donc, vont être transférés au niveau des hôpitaux pour la prise en charge donc, adéquate. Une campagne de dépistage pour identifier les cas qui nécessitent une prise en charge a été réalisée au cours de cette semaine. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kavanyana. Retour sur Kayanza pour parler de ce relâchement de la population en province Kayanza dans des activités de la protection de l'environnement organisées le jeudi de chaque semaine. Le BPAE Kayanza appelle la population de cette province à vaquer à ses activités en rapport à la protection de l'environnement et d'État avec, souvenez plutôt, le directeur du BPAE Kayanza. La journée de jeudi de chaque semaine est dédiée à la journée environnementale où toute la population de la province de Kayanza est appelée à participer massivement aux activités de protection de l'environnement. Malheureusement, dans ces jours-ci, nous constatons que la participation de la population n'est pas massive. Et s'ils sont, nous en profitons pour sensibiliser la population de la province de Kayanza de toujours répondre massivement à ces activités qui ont une importance capitale pour augmenter la production. Nous savons si les bassins versants ne sont pas protégés, tous les marais peuvent être inondés, et dans ce cas, vous comprenez qu'on ne peut pas produire dans les marais quand ces derniers sont inondés. Également, la couche spéciale des bassins versants, quand ces bassins versants ne sont pas protégés, cette couche qui est très fertile pour augmenter la production, cette couche est emportée par l'érosion et sera une conséquence néfaste sur la production agricole. J'en profite aussi pour demander au personnel du bureau provincial de l'environnement de la province de Kayanza et aussi à l'administration à la base d'augmenter, de s'efforcer pour sensibiliser la population et afin que cette dernière puisse répondre massivement aux activités liées à la protection de l'environnement. Le régime de ce découragement de la population, je pense que peut-être qu'il y a un peu de relâchement de ce qui devrait sensibiliser la population. C'est pour cela que j'ai demandé au personnel du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture de l'élevage en province de Kayanza et aussi à l'administration à la base de doubler d'efforts pour encore sensibiliser la population afin qu'elle puisse participer massivement aux activités liées à la protection de l'environnement. Voilà, c'est la fin de cette actualité, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, appelle les dirigeants actuels à cesser le détournement de fonds publics, appel qui coïncide avec la tenue du congrès ordinaire du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui se déroule à Gitega, la capitale politique. Le porte-parole de l'association burundaise des consommateurs a beaucoup déploré le fait que les contrats entre les demandeurs de crédit et les banques ou microfinance soient écrits en langue étrangère. Le fait aussi de passer un long moment devant les guichets, que ce sont des défis que rencontrent les clients des banques et les microfinances. Et la malnutrition se fait encore remarquer dans la province de Bubanza, surtout dans trois communes, à savoir Gihanga, Bubanza et Mwanda, et le BPS Bubanza compte apporter de l'assistance à chaque catégorie suivant le degré de la maladie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et bonne suite des programmes sur Sangamiso.